Nathan. Oui, du coup, un petit point sur la situation. On en est du coup à plus de 50 jours de mobilisation. Il y a des centaines et des centaines d'assemblées générales qui continuent de se tenir dans tous les secteurs, tous les jours. Il y a une énorme détermination de la part des grévistes et de toute la population mobilisée. Parce que, bah, même chose, hein, justement à la date dont tu parlais, où il y avait les 65 000 manifestants au Havre, c'était des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont déferlé sur toute la France. Dans l'ESR, ça continue de se former un peu partout. J'ai regardé un peu sur les comités, sur les regroupements de comités, etc. On recense 43 facs en lutte et 101 labos qui sont mobilisés. Et au niveau du gouvernement, en ce moment, c'est en train de craquer, mais de partout. Enfin, on a vu les dernières semaines le MEDEF qui commençait un peu à désapprouver l'arrogance d'Emmanuel Macron, de trucs comme ça, et commençait à tous se tirer dans les pattes. Là, cette semaine, le Conseil d'État qui critique la manière dont est poussée la réforme par le gouvernement, ça montre bien que cette mobilisation a un effet majeur, en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, le Conseil d'État, ils ont dit que on leur a laissé aucun temps pour examiner la réforme, que le financement c'était ni fait ni à faire, quoi. Et donc voilà. J'ai vu une information passer qui était il y a une coordination de l'enseignement supérieur et la recherche qui est en train de se former pour ce week-end. Éventuellement, ça pourrait peut-être être bien de dépêcher des délégués, en fait, qui sont mandatés pour vraiment aller parler de la réforme des retraites et de la LPPR, loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Je pense que ce sera bien de discuter de ça et de voter là-dessus. Et aussi, dès maintenant, parce que c'est important d'avoir des AG régulières pour qu'on continue de s'organiser à ce niveau-là, de décider de la date de la prochaine AG,